éternelle. La vie des femmes incroyables qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une femme noire qui a refusé de laisser sa place à un passager blanc dans un bus aux États-Unis. Mais ce n'est pas Rosa Parks. Son nom est Claudette Colvin. Elle est née le 5 septembre 1939 à Montgomery, en Alabama, dans le sud des États-Unis. Elle grandit dans une Amérique marquée par la ségrégation raciale. Les écoles, les bus, les restaurants, tout est séparé entre blancs et noirs. Le 2 mars 1955, Claudette Colvin a 15 ans. C'est une lycéenne comme les autres. Ce jour-là, elle rentre chez elle après les cours et s'assoit dans un bus, dans la partie réservée aux personnes noires. Mais, quand le bus se remplit, le chauffeur lui ordonne de céder sa place à un passager blanc. Elle refuse, car à ce moment précis, Claudette pensait à ce qu'elle apprenait en cours d'histoire, aux droits inscrits dans la Constitution américaine. Elle se sentait révoltée. Pour elle, c'était injuste. Alors, elle est restée assise. Elle est arrêtée, menottée, insultée, puis emmenée au commissariat. Elle n'a que 15 ans. Pourtant, son geste passe presque inaperçu. Quelques mois plus tard, en décembre 1955, Rosa Parks refuse elle aussi de céder sa place dans un bus. Cette fois, l'affaire prend une ampleur nationale et déclenche le boycott des bus de Montgomery, soutenu par un jeune pasteur encore peu connu, Martin Luther King Jr. Alors, pourquoi ne parle-t-on pas autant de Claudette Colvin ? Parce qu'elle était jeune, parce qu'elle venait d'un milieu modeste, et parce que peu après son arrestation, elle est tombée enceinte, et ce, sans être mariée. Les leaders du mouvement ont estimé qu'elle ne représentait pas l'image idéale pour porter le combat. Pourtant, Claudette Colvin a joué un rôle essentiel. Elle a témoigné dans une affaire judiciaire importante qui a contribué à mettre fin à la ségrégation dans les bus. Claudette Colvin est décédée il y a peu de temps, le 13 janvier 2026. Pendant des décennies, son nom est resté presque oublié dans les livres d'histoire. Ce n'est que bien plus tard qu'on a commencé à reconnaître son rôle dans la lutte contre la ségrégation. Alors, si tout le monde connaît le nom de Rosa Parks, il est important de se rappeler que, quelques mois avant elle, une adolescente de 15 ans avait déjà osé dire non. Claudette Colvin n'était pas une icône, elle n'était pas censée devenir un symbole, mais elle a eu le courage de rester assise. Et parfois, changer l'histoire commence simplement par refuser de se lever.